dérange pas, mais je me sens vieux quand je me sens mieux. Continue comme ça, même si ça va pas, car je me sens Dieu quand je suis à toi. C'est n'importe quoi, moi je mens pas, pour que dans tes yeux je reste bien là. Je fais profil bas, ça ira comme ça. Si je baisse les yeux, je ne te verrai pas. Fais n'importe quoi, ça ne s'arrange pas, mais je me sens vieux quand je me sens mieux. Continue comme ça, même si ça va pas, que je me sens Dieu quand je suis à toi. C'est n'importe quoi, mais moi je m'en bats, pour que dans tes yeux je reste bien là. Je ferai profil bas, mais ça ira comme ça. Si je baisse les yeux, je ne te verrai. C'est n'importe quoi, mais moi je m'en bats, pour que dans tes yeux je reste bien là. Je ferai profil bas, mais ça ira comme ça. Si je baisse les yeux, je ne te verrai pas. C'est n'importe quoi.